خلي لما تشوف هذا بابايك infraction qui est intéressante hein d'abord par sa fréquence d'accord elle est la plus fréquente après les fractures du corps c'est le sujet âgé c'est une des fréquences c'est-à-dire où chaque jour où vous ne voyez pas au moins deux ou trois fractures d'extrémité inférieure de l'œil parce que à chaque jour il y a beaucoup de chutes on peut chuter sur la main et facilement alors elle est intéressante parce que par définition, c'est une fracture qui touche cette zone. Elle touche cette zone. Cette zone, elle est formée de quoi? Parce que dans l'os, les os longs, on a de l'os cortical, et là, qu'on appelle la région métaphysaire, c'est de l'os spongieux. Alors, quand on parle de l'os spongieux, c'est un os qui est friable. D'accord. Alors, donc c'est un os, quand il dit friable, c'est-à-dire c'est un os où les forces vont entraîner beaucoup plus un élément qui est important, qui est le tassement, c'est-à-dire un cul du voile. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est des fractures, par leur fréquence, par leur situation au niveau d'une zone spongieuse, c'est des fractures qui consolident à tous les cas. C'est-à-dire, les arthroses n'existent pas. Alors, pourquoi? Parce que c'est bien la consolidation ne va pas revenir parce que vous avez un cours de la consolidation. Et la consolidation au niveau de l'os cortical, qui est de l'os dur, qui est de constitution adversienne, donc c'est de l'os collagène, il n'y a pas de valeur, donc les risques de ces arthroses. Donc il n'y a pas de consolidation proprement dit, c'est une formation par différence d'un cadre. Par contre, ici, c'est une multiplication cellulaire, donc la consolidation est équilibrée. Donc les risques sont les calvitieux, si on ne les réduit pas. Alors pourquoi j'ai entamé tout ça? C'est pour rendre un peu la monnaie à ce qu'une articulation est très importante. Parce que c'est une articulation, quand on parle de poignet, vous parlez de ça, c'est-à-dire de la flexion dorsale ou de l'extension et de la flexion palmaire. Non! Non et non et non! L'articulation, le mouvement le plus important du poignet, c'est pas ça! Parce qu'on peut être comme ça, on peut réagir. C'est cette articulation qui est la pronosupination. C'est elle qui va entraîner une orientation dans la main pour qu'on puisse écrire, parce qu'on n'écrit pas comme ça, on écrit comme ça, hein, avec une aiguille. On peut se laver, se coiffer, aller aux toilettes, hein, prendre une canne, et ainsi de suite. Et est-ce que vous avez compris? Alors, et vous voyez cette articulation qui est capitale, et maintenant quand on parle dans les trucs, dans la traumatologie moderne, ou dans les lésions modernes du poignet, on ne parle pas du poignet isolé, on parle toujours poignet et radio-cubital inférieur. Alors, la radio-cubitale inférieure, ou la radio ulnaire dans la terminologie moderne, inférieure, elle ne fait que partie d'une fonction qui est la pronosupination, et elle n'est pas la seule. Parce que la pronosupination, elle obéit à deux articulations importantes, parce que c'est un segment à deux os, et quand il y a un segment à deux os, il y a entre eux ce qu'on appelle une membrane interosseuse, et cette membrane interosseuse participe elle-même dans le mouvement de la pronosupination, et l'os, la longueur de os et les courbures, parce que ce n'est pas des os qui sont droits, c'est des os qui ont des courbures pronatrices et supinatrices. Alors, en résumé, pour qu'il y aura une bonne pronosupination, il faut une intégrité de la membrane interosseuse, le respect de la longueur et les courbures, et l'intégrité des deux surfaces articulaires. Parce que c'est eux qui vont entraîner. Alors, et comme cette radio cubitale, on va voir, j'explique pour que vous compreniez, et puis on reviendra sur toutes les questions que vous voulez. Alors, cette articulation et cette radio cubitale que vous voyez ici, donc, tout mouvement donc, qui va empêcher, parce que l'extrémité inférieure du radius n'est pas une articulation plate. C'est une articulation qui regarde en bas et en avant. D'accord? Elle est oblique. Et il y a une articulation avec l'ulna ou le cubitus Et cette articulation est stabilisée par des éléments ligamentaires, notamment le ligament triangulaire, hein, et le triangle, comment on l'appelle ? Voilà. Donc le ligament triangulaire. Alors, cette articulation, donc, parce qu'on a dit que le plus important de la fonction de ce poignet, c'est ce mouvement et surtout ce mouvement, comme au niveau du pied. Quand on a un pied où on n'a pas d'inversion et d'éversion, quand on est dans un milieu accidenté, on ne peut pas adapter le pied. Donc là, nous, on ne peut pas adapter la main s'il y a une pronosupination qui ne peut pas. Et on ne peut pas équilibrer. On a chute de douni. D'accord. Alors, cette articulation, elle est oblique. Alors que vous voyez que cette articulation, elle est importante. Et j'ai dit que c'est une région spongieuse dont les compressions, on va voir parce que c'est des chutes, ça veut dire on élimine tout ce qui est à haute énergie, des chocs directs, parce que c'est des éclatements, on va les voir. Donc on parle des fractures basses, à traumatisme à basse énergie. C'est-à-dire les chutes, par contre, on glisse, on chute, une banane, on chute, on met toujours le poignet en avant et hop là. Alors, que cette radiculite, on a dit déjà, un, qu'il y a des phénomènes de tassement. Et c'est qui conditionne le traitement. Alors, s'il y a un tassement, donc on va déstabiliser cette articulation. Est-ce que vous avez compris? Donc, on modifie les rapports d'une articulation. Et si on modifie les rapports d'une articulation, elle va s'enridir, elle n'est pas bien, parce qu'il n'y a pas une articulation qui est en place. Est-ce que vous avez compris? Donc, et là, vous voyez que cette obliquité, il faut que quand on traite et quand on voit ces fractures, on doit la respecter. Pourquoi? Parce que si on ne va pas redonner la longueur, si on ne va pas réduire anatomiquement, on va déstabiliser un élément d'une articulation, d'une fonction qui est importante, qui est la pronosupination. Alors, je répète ce plan anatomique. Donc, cette obliquité qu'on voit sur le plan frontal, donc on va voir l'obliquité de l'articulation, donc l'angle qu'on appelle l'angle frontal, c'est un angle qui est fait entre l'axe du radius, les deux points externes et internes, et la perpendiculaire à l'axe, et on va avoir un angle qui est entre 40 et 45 degrés sur le plan frontal. Mais c'est encore pas suffisant. Il faut calculer ce qu'on appelle l'indice radio-ulnaire inférieur. Pourquoi? Parce que s'il y a un tassement, cet indice-là, je ne sais pas s'il est schématisé, sinon je vais le tracer. Voilà. Voilà. Alors l'indice radio-ulnaire inférieur, c'est cet indice. Donc on prend le point le plus interne du radius et le point le plus externe de l'UNA, du cubitus, et on a un point et un point, donc on a un espace. Et cet espace ne peut être que de 2 mm, entre 0 et de 2 mm. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est minime. Donc s'il va y avoir un tassement, donc il va le réduire ou bien le négativer. D'accord? Et on doit, parce qu'elle est... elle est en obliquité sur le plan frontal et sur le plan sagittal, on doit calculer aussi l'indice sagittal ou l'angle sagittal. Donc, je reviens. Voilà. C'est le même axe que le profil et c'est l'angle qui va être à peu près de 10 degrés. C'est-à-dire le point le plus antérieur et le point le plus postérieur, l'axe de radius et la perpendiculaire, ça va former un angle qui est de 10 degrés. Ça, c'est pour vous dire que dans le traitement, vous voyez, dans le traitement de ces fractures, c'est délicat. C'est-à-dire, ça suggère au moins un élément important, une réduction anatomique. Vous voyez, cette zone qui est en rapport avec deux articulations radio-carpiennes et radio-ulnaires. Et la fonction la plus importante, c'est surtout la radio-ulnaire. Et donc, le traitement va être avec une réduction le plus anatomique possible. Alors comment survient cette règle? Alors, j'ai fait cette épidémiologie parce que je reviens un peu au Sassankun Brouillon. Alors, j'ai fait cette classification un peu parce que c'est des fractures. On a dit que quand elles sont fréquentes, quand elles sont dans une zone spongieuse, quand elles sont en rapport d'une articulation, donc les problèmes sont importants. Plus la fréquence, plus l'importance, c'est des fractures qui posent le plus de problèmes à la traumatologie que ces fractures. Voilà. Et on arrivera même au traitement pour vous dire que c'est une fracture où il y a toujours au moins, tous les 10 ans, un rapport international pour une prise en charge et personne encore n'a de consensus. Ça veut dire qu'elle pose énormément de problèmes. Alors, j'ai dit que c'est des fractures donc, sur un os spongieux et elles sont très fréquentes. Et la fréquence, elle est majorée parce que, on a dit que si même si on isole tout ce qui est jeune à haute énergie, donc c'est des fracas, c'est ce qu'on appelle les fractures complexes. Par contre, les fractures à basse énergie, le plus souvent, sont les sujets jeunes. Âgé. Pourquoi? Parce que c'est le sujet âgé, il y a un facteur, et c'est pour les femmes, c'est l'ostéoporose. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit déjà dans le début et maintenant? C'est-à-dire, elles restent chez les sujets âgés parce qu'ils sont fréquents chez les femmes, chez des fractures sur ostéoporose, donc elles ne sont presque pas des fractures normales, elles sont des fractures pathologiques. Est-ce que vous avez compris? Parce que quand on parle d'ostéoporose, et là le problème se pose, parce que quand on parle, il y a une fragilité osseuse. Même quand on fait un traitement chirurgical, ça ne tient pas, l'os est malade. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est des fractures dites pathologiques. Et maintenant, même leur fréquence était, il y a longtemps, des sujets ostéoporotiques, maintenant aussi, les fractures, mais de plus en plus complexes et de plus en plus fréquentes chez les sujets jeunes, c'est des fracas parce que vous avez vu maintenant l'infrastructure routière, le nombre de voitures, la vitesse, les traumatismes à haute énergie, les motos et la complexité est là. Donc, vous voyez qu'on se retrouve avec cette fracture avec deux volets importants. Ou ces jeunes complexes, où on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire, ou ces sujets âgés et il y a l'ostéoporose. Et c'est pour ça que le consensus n'est pas encore admis et on va voir même dans le traitement, il y a quand même... Alors, comment se vient? Vous voyez quand c'est le jeune, vous voyez la complexité quand on va avoir énergie, c'est des fractures indescriptibles. Ou dans le traitement, on va voir. Dans le traitement, on est en train de se dire, voilà, ça consolide, donc on essaye de réparer quoi? De remettre avec des fixateurs, avec un ligament toxique, de respecter la longueur et de remettre au moins les articulations qui la concernent. J'anticipe un tout petit peu pour que vous compreniez, et en redonnant une sorte d'articulation pour qu'on ne perdra pas au moins la pronosublimation. Bien sûr, maintenant, il y a aussi d'autres moyens, on va voir, il y a d'autres moyens modernes. Il y a l'évolution. Alors, je vais sur le mécanisme. Alors, le mécanisme, il y a sur le mécanisme, bon, en orthopédie, vous avez fait maintenant énormément de cours et vous avez compris que les traumatismes, soit ils sont directs, et quand directs, bon, c'est haute énergie. C'est-à-dire, c'est les fractures complexes. Et le plus souvent, c'est le mécanisme indirect, parce que nos fractures de l'extrémité inférieure, de radius, on les voit quotidiennement, c'est surtout lors des chutes. On a beaucoup de chutes. Alors comment? Il y a deux grands mécanismes. Et vous voyez dans le mécanisme, Et j'ai mis, il y a fracture par compression et extension. Et fracture par compression, flexion. Alors ça, c'est des mécanismes qui ont été définis par un bonhomme qui a trop travaillé, c'est ce monsieur Castin, et même il a fait sa classification et trucs, et qui, c'est une classification, c'est des trucs qui sont admis jusqu'à maintenant. Monsieur Castin a travaillé et fait sa classification en 1954. Et c'est adapté jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que quand il a mis une classification, il a dit, pourquoi il n'a pas dit mécanisme en extension? Parce que l'extension, c'est là comme ça. Et flexion, comme ça. Il a dit mécanisme en compression. Extension, parce que quand on chute comme ça, parce que quand on chute, on met la main. Le premier, on a une extension, et le premier geste, c'est la compression. Alors, quand ça casse au niveau de l'extrémité inférieure, donc c'est une supra. Et comme c'est du spongieux, avec le poids du corps, il va y avoir un tassement. Et le tassement, je l'ai dit au départ, je vous ai mis en garde, le tassement, si on ne va pas le corriger, on va modifier l'indice urinaire inférieur. C'est-à-dire, on va déstabiliser la radio urinaire inférieure, la radio tibétaine inférieure. Et on va perdre notre prénusupinase. Il a insisté même dans la classification de cette compression. Et bien sûr, j'arriverai après, parce que il y a avantage et inconvénient. C'est-à-dire aussi quand il y a une compression, et c'est ça dans le traitement maintenant, on va juger dans le traitement de ces fractures dans ce sens-là. C'est-à-dire quand il y a une compression, et plus la compression est importante, maintenant on quantifie aussi en stade, stade 1, stade 2, stade 1, stade 2, et quand on réduit la compression, c'est comme un buvard qui absorbe de l'encre. C'est-à-dire il va y avoir un vide. Et ce vide post-réductionnel va être un des éléments d'instabilité qui va déplacer la fracture. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va voir et vous allez comprendre. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je dis, vous allez comprendre. Mais juste carapoda. C'est-à-dire, vous allez comprendre les problèmes. Bien sûr, il faut lire pour avoir tous les éléments. Mais vous allez comprendre ça. C'est, et par compression fécale, parce que quand on chute, des fois il y a des traumatismes où on chute surtout du vélo, quand on chute dans cette position et on va avoir une flexion quand même, et la compression va être antérieure. Et ces deux mécanismes vont déterminer deux éléments importants. Un, le déplacement de la fracture. Toutes les fractures par compression et extension vont se déplacer en postérieur. On les appelle les fractures à déplacement postérieur. C'est une extension. Et toutes les fractures par compression flexion, elles sont à déplacement antérieur. Donc on a deux groupes. On a un groupe à déplacement postérieur, un groupe à déplacement antérieur. Donc ça, quand on a une position comme ça, on va voir pourquoi. Donc, vous allez me dire, monsieur, on peut avoir que deux types de fractures. Alors qu'il y a une multitude. Pour des raisons, on va les voir. Alors, donc vous voyez, alors, compression égale tassement. Tassement, ça sous-entend instabilité. Et tassement, ça sous-entend réduction. Sinon, réduction. Hein? Donc, le tassement est un des éléments. On va le mettre au cachage. Le tassement est un élément d'instabilité. Alors, est-ce que vous avez compris le schéma? Est-ce que vous avez compris le schéma? Alors, pour qu'il y aura un tassement et une fracture, donc on doit chuter comme ça. Bon, pour les fractures en extension, vous voyez que il y a une force du poids du corps. Il y a une force qui va être transmise par le sinus urinaire et on va avoir une fracture qui va se casser comme ici. D'accord? Plus ou moins l'importance et la force du traumatisme, on va avoir une compression. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous me disiez, si on a en extension une fracture extra-articulaire à déplacement postérieur qu'on appelle la fracture typique 2, Potokos, et l'inverse de Guerin-Smith, si on a ça, donc on a deux fractures au bas. Comment surviennent les autres types articulaires et les autres? Il n'y a pas un génie parmi nous? Il n'y a pas un génie parmi nous? Alors, c'est facile. Donc, quand on chute, on peut chuter comme ça. C'est-à-dire où les trucs ne sont pas perpendiculaires. Mais quand on chute, bon, des fois, on peut chuter soit la main comme ça, soit la main comme ça. Est-ce que vous avez compris? Hein? C'est-à-dire, on peut chuter quand on peut la main comme ça. Soit on peut avoir une inclinaison cubitale, une inclinaison radiale, on peut avoir une hyperpronation, une hypersupination. Donc tous ces éléments vont déterminer en fonction de la direction. De la direction des forces des différents types articulaires. Est-ce que vous avez compris? Soit on chute d'une façon comme ça. Si on a une inclinaison cubitale, on peut avoir une fracture ici, plus une fracture ici. Ou bien une inclinaison cubitale, on peut avoir que la force qui va se diriger. Donc on va avoir les fractures cunéennes externes, ou qu'on appelle la cellulite, ou on peut avoir dans les inclinaisons radiales dures. C'est-à-dire, si on chute comme ça, une cunéenne, on peut avoir une inclinaison radiale et on va avoir les forces qui vont se diriger vers le versant interne et ça va donner. Et si lui, c'est Castin qui avait décrit cette fracture qu'on appelle la fracture potentielle de Castin, qu'on appelle la fracture à fragment postéro-interne, pourquoi? Parce que c'est ce fragment postéro-interne qui possède l'articulation radio-ulnaire. Si on ne le réduit pas, si les déplacements, on n'aura pas de fracture. Plus, si on a une force importante d'une pronosupination, on peut avoir des fractures complexes, c'est-à-dire à deux traits, en T frontal, en T radial. Donc ça dépend de la pronosupination. Donc vous voyez, on peut avoir une multitude de fractures en fonction de la position de la main et de l'avant-bras, soit en pronosupination ou en inclinaison. Donc, on va avoir un amalgame. Mais, quand on chute comme ça, c'est surtout la fracture extra-articulaire qui est la plus classique, qui est la fracture de Potokos. Si elle se déplace en postérieur, c'est l'extension. Donc, elle est Potokos. S'il y a une flexion et une compression, elle est Gehrens-Smith en avant. Bon, les plus fréquents, c'est toujours parce qu'on chute comme ça, rarement qu'on fait des chutes à vélo. Alors, j'ai schématisé comme ça, donc en fonction de la force du traumatisme, en fonction de l'os sous-jacent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une ostéoporose jeune ou pas jeune. Donc s'il est jeune, le traumatisme, s'il est important, donc on va voir des fractures complexes, si c'est des fractures sur ostéoporose, et en fonction de la position du lunatum ou du semi-lunaire, on va avoir toutes les différents types anatomopathologiques des fractures d'extrémité inférieure. Donc, je vous... Je vous dispense des classifications, parce que moi, je ne fais pas classification. Parce que moi, je comprends une chose. Si vous comprenez qu'il y a une fracture extra-articulaire qui est déplacée, qu'est-ce que vous avez de lui faire? S'il y a une fracture qui est déplacée, il faut la réduire. S'il y a une fracture qui est déplacée associée à d'autres éléments d'instabilité, qu'on va voir énormément. Donc, il ne faut pas la traiter orthopédiquement, il faut la traiter chirurgicalement parce qu'elle est instable. Voilà. Et vous comprenez le mécanisme. Là, en fonction de la radiographie et l'examen clinique, vous avez étiqueté cette classification. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Ça, en dehors de quelles classifications qui ont des valeurs, telles que cette classification de Castin, elle a sa valeur parce que c'est une classification qui a résisté, même avec l'imagerie, et qu'on n'a pas pu donner des classifications qui nous satisfaient en dehors de ce qu'il a dit en 1950. Alors, bon, on a parlé de ça. Je vous verrai. Alors, j'ai dit que de ces fractures, cette extrémité inférieure du radius, on a dit que, bon, parce que, quand on a dit, il y a une radio cubitale, il y a une radio carpienne, Donc, vous avez, parce que quand on parle de cette fracture, elle ne peut ne pas être isolée. Elle peut rentrer dans un cadre d'un polyfracturé pour le traumatiser. Et comme le mécanisme en hyperextension sur la main, il peut entraîner aussi d'autres lésions, telles que les lésions du scaphoïde carpien, si vous avez fait le scaphoïde. Et tout. Donc, on peut les avoir associés. Mais pour mieux comprendre, puisqu'il y a une association, je dis, puisqu'il y aura une association lésionnelle, le traitement orthopédique, il perd de sa valeur. Il faut qu'un traitement chirurgical. C'est-à-dire, si tu as une fracture ici, donc il faut une rééducation. S'il y a une fracture du scaphoïde, il ne faut pas y aller parce que des fois le scaphoïde ne consolide pas après 60 jours, 90 jours. On ne va pas immobiliser. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, plus il y a une lésion associée, ça perd de son pour des raisons soit esthétiques, pour des raisons de confort, pour des raisons de rééducation, pour des raisons de récupération fonctionnelle. Plus une fracture, il y a des lésions qui sont associées, qui vont entraîner une instabilité. Alors, quels sont les éléments d'instabilité? C'est ça le problème. On a dit qu'une fracture, quand il y a un tassement, c'est-à-dire au niveau d'une zone spongieuse, quand on l'a réduit, il y a un vide. Donc c'est un des éléments d'instabilité. D'accord? Quand il y a, parce que ce poignet, il y a des ligaments radio-carpiens, il y a des ligaments importants stabilisant. Plus il y a un déplacement important, plus il y a une instabilité. Ça veut dire que toute fracture qui est initialement trop déplacé, même si on l'a réduit anatomiquement, elle a toutes les chances de se redéplacer. Pour des raisons, lesquelles? Quand il y a une fracture qui monte, elle se déplace. Ça veut dire, si elle est trop déplacée, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'os qui s'est fracturé. Ça veut dire qu'il y a des lésions importantes de l'os, il y a une lésion importante du périoste, il y a une lésion importante des ligaments, si c'est une zone ligamentaire, pour qu'elle se déplace. Et ça veut dire, et quand il y a une lésion ligamentaire, attention, le ligament ne cicatrise jamais. C'est-à-dire quand on met un traitement pour le ligament, il y a de la fibrose qui se fait, c'est-à-dire toute cicatrisation par fibrose, on n'est pas sûr de sa valeur. Est-ce que vous avez compris? En dehors des trucs musculaires, c'est vascularisé, vous le faites, qui cicatrise. Mais le ligament, c'est une zone mal vascularisée. Donc, c'est de la fibrose qui se fait, c'est-à-dire c'est pas une cicatrisation directe. Est-ce que vous avez compris? Alors, donc, tout déplacement important sujette une instabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres lésions importantes. Alors, j'ai mis déplacement, comminution, c'est-à-dire le tassement, l'atteinte de la radio ulnaire. L'atteinte de la radio ulnaire, c'est-à-dire s'il y a une déstabilisation de la radio ulnaire, ça veut dire automatiquement qu'il y a une lésion du TFTC et du ligament triangulaire. Mais Gaulish, on va mettre comme ça et ça va cicatriser. Est-ce que vous avez compris? Ou bien, quand il y a une fracture au niveau de la radio ulnaire. C'est-à-dire, s'il y a une fracture de la radio ulnaire, il ne faut qu'une réduction anatomique, c'est-à-dire une articulation qui n'est pas bien réduite anatomiquement va être raide. Papa, il n'y aura plus d'articulation. En plus de toutes les lésions associées, c'est-à-dire si on a une fracture d'extrémité associée à une fracture du scaphoïde ou une luxation du carpe ou une fracture de l'assure parce qu'il y a aussi le ligament triangulaire, donc tous ces éléments sont des éléments d'instabilité. Et toute fracture hautement instable, traitement orthopédique, blablabla, c'est le traitement chirurgical. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fonction de ça, si vous allez me comprendre, c'est-à-dire, on ne parle pas de ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on fait, et ce qu'ils font, et ce qu'on doit faire. Toute fracture, qu'elle soit au niveau de l'extrémité inférieure ou non, non déplacée, elle peut être du traitement orthopédique. Ça, c'est. Mais toute fracture on regarde d'une articulation immobile déplacée, associée, plus, n'a pas d'indication orthopédique. Elle est instable. On ne peut pas. Qui va Est-ce que c'est ça? Voilà. Et quand il y a un tassement, quand il y a un vide important, tu réduis, elle est anatomique, tu enlèves ce vide, il va mettre beaucoup de temps pour se combler, et le temps qu'il va mettre pour se combler, ça va se déplacer. Alors, et de là, on va résumer notre traitement avant de passer à la clinique et à la radio, pour que vous compreniez, c'est-à-dire, j'enchaîne pour que vous compreniez. C'est-à-dire, voilà, c'est clair. C'est clair et très clair. Fracture non déplacée, je peux l'immobiliser tel quel, pas de réduction. Toute fracture déplacée, je dois les réduire, mais je dois la surveiller, elle est instable. Ou alors, donc il faut, j'entame. Alors, comment je vais traiter chirurgicalement? Alors, quand il y a une compression importante, je réduis, il y a un vide réductionnel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois combler. C'est-à-dire, d'arrêt, hâte, alina, n'abdou, l'ouah, hadouk. Hâtouham, hop, chassat, hâna, bâmen, hâgit, sur le nom, nous dirons, n'a hâkar. Pour qu'elle bouge tous les solides. C'est-à-dire, on va prendre de l'os, on va l'interposer, on va le greffer, et la greffe va donner une solidité, c'est-à-dire un truc mécanique plus un truc biologique. Ça va accélérer, parce que j'ai encore de l'eau, ça va consolider rapidement. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Si il y a des lésions ligamentaires ou articulaires, je dois les réduire anatomiquement. Et je dois stabiliser. Est-ce que vous avez compris? Si c'est complexe, qui m'a dit l'image, notre but, je dois d'abord redonner, parce que quand on a le vide, il ne faut pas qu'on laisse, il faut qu'on réduise l'indice. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'on doit rétablir la longueur pour donner la première supination. Si c'est complexe, on peut mettre, bon, si on ne peut pas mettre de broche, on va voir de plaque, de heady, on va faire un ligamento-taxi, c'est-à-dire on va tirer pour rétablir, ou un bad, on peut ajouter. C'est-à-dire, on a des plaques, on a des broches, on a des substituts osseux, on a de l'os, on a du ciment et truc. On bad, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire, quand on a le truc, quand c'est complexe, on peut ramener de l'os, on peut mettre du ciment, c'est pour donner une certaine stabilité. On peut ajouter des broches, c'est ça la philosophie du traitement actuel. C'est-à-dire, en dehors des fractures non déplacées, ou qui n'ont d'où, dans le confort, je les traite chirurgicalement. Pourquoi? Parce qu'on peut les traiter à foyer fermé, des broches et doigts se immobilisent avec le système qu'on va voir. Et même s'ils sont déplacés, on va vers le traitement chirurgical avec des broches ou des plaques, comme vous voulez. Mais s'il y a une compression, s'il y a une atteinte ligamentaire, il y a un déplacement, là, il faut ajouter autre chose. C'est-à-dire, il faut combler, il faut ajouter tous les ingrédients pour que cette fracture ne se déstabilise pas, parce qu'un petit calvitieux de quelques degrés va déstabiliser une articulation. Vous avez de 1 mm. Un petit tassement de quelques millimètres va déstabiliser une articulation. Donc, il faut une réduction anatomique, sinon c'est des problèmes. Et c'est pour cela que dans les traitements maintenant modernes, on ne parle plus de fracture de l'extrémité inférieure, on parle de la radio-cubitale et les fractures de l'extrémité inférieure. Vous voyez, on parle de l'importance. Pense pas avec ça, parce que c'est elle qui aussi est à l'origine de tous ces problèmes. Alors, vous voyez que tous ces facteurs-là que vous voyez là sont des facteurs d'instabilité, et toute fracture instable a un traitement orthopédique ou misère. D'accord? Sauf si on est dans une. C'est-à-dire sur le plan pratique, on est dans une zone où on n'a pas de traitement chirurgical. On peut faire un traitement orthopédique, mais qu'on soit plus vigilant. Quand c'est instable, ça veut dire que c'est une surveillance régulière. 3e, 5e, 8e, 15e jour, jusqu'à ce qu'on est sûr qu'il y a un petit cadre qui ne permet pas un déplacement. Vous voyez, et ça revient plus cher qu'un traitement chirurgical. Mais c'est seul dans le traitement chirurgical des fractures à foyer fermé par des broches. C'est moins cher que de mettre un plaque et faire toutes les semaines une radiographie. Ça devient plus cher. Il y a cette, encore des complications et des rêveurs, des troubles trophiques, du syndrome algodystrophique, parce que faut pas en avoir avec le plat. Et c'est pour ça que maintenant tout le monde va vers, quand on deviendra riche, quand on sera un pays de pétrole. On donnera tranquillement. On va faire tout ça pour l'embrochage, c'est parce que ça se fait en une minute et tu es à la maison, tu m'obliges. D'accord. Eh bien, alors, sur le plan clinique, bon, il n'y a pas grand-chose. Sur le plan clinique, bon, quand il y a une fracture d'extrémité inférieure du radius, bon, le malade, il vient toujours aux urgences après une chute banale. Il vient en attitude toujours du traumatisé du membre supérieur. Bon, le plus fréquemment, il vient avec un œdème, une déformation du poignet. Ce qu'on appelle parce que le plus fréquemment, on chute comme ça, rarement comme ça. Donc, il vient avec une bascule postérieure, donc ce qu'on appelle une déformation en double fourchette. D'accord ? Une fois là, en double fourchette. Ah, une fourchette, pour le ventre de fourchette, ici, avec la antérieure, on va voir en ventre de fourchette. Il y a une bouchure, parce qu'il y a une bascule, elle est postérieure, on va voir ce qu'on appelle une déformation en deux fourchettes. De là, c'est des examens cliniques, donc toujours il faut rechercher s'il y a un bout, voir surtout la teinte de quel nerf, c'est surtout le médian, parce qu'il y a une compression du médian. Et de là, c'est la radiographie. Il faut faire une radiographie, alors, de face et de profil, et si vous pouvez, 3-4. Ça, c'est important. Alors, la face, c'est pour voir d'abord la solution de continuité. Le profil, c'est pour voir si la solution est le déplacement. De face, est-ce qu'il y a un déplacement, et voir s'il n'y a pas d'autres lésions associées. Et là, parce que des fois, on n'arrive pas à quantifier, parce que ce qui est très important, c'est de voir faire des 3-4. C'est-à-dire d'essayer de 45 degrés, 45, pour enrouler l'extrémité inférieure à la recherche d'une compression importante. Parce que la compression, des fois, on ne la voit pas. On la voit quand on arrive. Parce qu'on ne peut pas, sauf s'il y a une ostéoporose importante, il y a une pénétration importante. Là, il faut faire un 3-4 pour rechercher toutes les lésions associées. Et si vous allez réduire, vous êtes en possession d'une radiographie, c'est-à-dire dans une urgence où il y a un scope, où il y a une radio sur place, vous réduisez en traction, vous faites une radiographie. Pourquoi en traction et une radiographie après réduction? C'est la seule radio qui peut nous quantifier l'importance du tassement. C'est-à-dire d'analyser en réduisant et en restant réduit et en traction, c'est-à-dire pour que ça ne se comprime pas, ça ne se déplace pas, de voir l'importance du tassement. Et de là, on va juger. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va juger du traitement. Bon, toutes les fractures, ces fractures, quand ils sont déplacés comme ça, ils ne relèvent que du traitement chirurgical. Ah oui, quand on fait un traitement orthopédique, c'est vrai. Des fois, c'est un peu tolérable, mais il y a toujours des insuffisances. Mais, les insuffisances, quand on a une insuffisance, la demande est en fonction aussi, c'est malade dépendant. Il n'y a qu'un jida, il garde un chimla, elle ne fait rien du tout, elle ne va pas se plaindre. Est-ce que vous avez compris? Il est qu'un, c'est un bonhomme. Même il est de 60 ans et il est pianiste ou je ne sais pas quoi, il vit de son violon, ou là c'est un médecin qui est chirurgien, ou bien je ne sais pas, c'est un coiffeur, il vient se plaindre. Moi, je ne peux pas coiffer aux gens, je ne peux pas parce que j'ai une petite raideur. Il est qu'un jitter, c'est normal qu'elle ne vienne pas prendre. Est-ce que vous avez compris? En plus des raideurs. Donc, ne me disait pas qu'une fracture telle, avec ce déplacement, si on va la réduire, on peut la réduire en autonomie, on lui met un plâtre, elle ne va pas se redéplacer secondairement, c'est un... Non, elle va se déplacer. Ou même si elle ne va pas se déplacer, elle va se déplacer un peu. Ou on a, ah oui, c'est tolérable, c'est ça le problème, non. Ailleurs, ils ne tolèrent pas. Ils ne tolèrent pas, parce qu'ailleurs, ils vont en justice. Est-ce que vous avez compris? Ah oui, non, mon poing n'est pas bien. Ah oui, dit que ça viendra parce que ça commence. Ah, nous tenons les plaintes à Madou Kalana. A du show de télévision, ce soir, il s'est fait. Et encore, nous sommes aujourd'hui des générations de Hokum. Donc, une machine comme aux États-Unis, avec aux États-Unis, comment? Là, il y a un médecin. Des avocats. 50 avocats qui ouvrent leur. Il n'y a pas de traitement orthopédique pour une fracture instable. Il n'y a pas de traitement orthopédique. Il n'y a que des dégâts. On va tout dire, ah mais c'est un tabib, ou un d'aha, ou un d'aha, ou un joli, c'est ça. Non, il faut être, s'il vous plaît, Donc il faut être catégorique. D'autres fractures non déplacées et du ressort du traitement orthopédique. Sauf si c'est un voleur, un médecin, on lui dit le confort. C'est-à-dire on lui met des broches en percutané pour qu'il immobilise, pour éviter une des complications merdiques du plâtre, qui est avant syndrome des loges. Parce que syndrome des loges, c'est notre surveillance, c'est nous. C'est l'algodystrophie. Les gens évitent parce que le plâtre. Pourquoi il y a de l'algodystrophie? C'est quoi l'algodystrophie? Hein? Ouais. Alors, l'algodystrophie, elle est jusqu'à aujourd'hui mal expliquée. Personne ne sait comment arrive l'algodystrophie. Sauf, il y a des éléments prédisposants. Ah bon? Hein? Maintenant, les mâles qui font de l'algodystrophie, je les vois. Je les connais. C'est les gens nerveux hyperémotifs. Ça, c'est la nervosité. Deuxième élément et facteur mis en cause, c'est l'immobilisation. Plus on immobilise, plus on a de l'algodystrophie. Plus on a des phlébites aussi, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, on n'a pas de phlébites en Algérie. » Il y a beaucoup de phlébites. Et tout plâtre, maintenant, on les met sous anticoagulants. D'autant plus qu'il y a des facteurs encore de risque. Si c'est un obèse, si c'est un cardiaque, c'est ça. Voilà. Ah, on a vraiment un dénage. Mais quand tu vois, et comme les syndromes de loge, il y a quand même un dénage. Parce qu'attention, il y a beaucoup de syndromes de loge isolés, pas complets, incomplets, qui touchent dans des zones, au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur, des zones, c'est des syndromes de loge limités. On a beaucoup, on a dit ça traîne, et thrombophlébite, il est chez le cardiologue. Pourquoi? Parce que là, les gens, pour pallier d'abord à ces complications qui coûtent très cher, parce qu'ils ont une algodystrophie, c'est de l'œdème, c'est de la douleur, et puis c'est de la raideur. Et c'est difficile à traiter en fonction des sujets. On peut arriver même à l'amputation avec l'algodystrophie. Les gens, et ça revient à un traitement cher, attention, une injection de truc pour ça coûte de je ne sais pas quoi, et des fois ça ne résout pas les problèmes. Alors, on pallie des fois un traitement chirurgical au prix du confort et d'éviter ces complications. En plus, quand c'est des fractures instables, on les traite orthopédiquement et on va encore des problèmes fonctionnels. Est-ce que vous avez compris? Donc, et c'est ça les indications. Alors, la radiographie, on a parlé des deux. Bien sûr, plus elle est complexe, plus on peut indiquer la TDM. C'est à la demande. Pourquoi la TDM? C'est pour analyser toutes les lésions, surtout articulaires. Parce que notre but du traitement, c'est de reconstruire l'articulation, les articulations. Parce que toute articulation qui n'est pas bien réduite entraîne une raideur. Et deuxième élément de cette zone qui est une zone spongieuse ou la compression ou la fonction de pronosupination prime, donc il faut tout rétablir. Donc, parce que quand je vous dis tout ça, ça veut dire qu'ils sont de traitement très difficiles. Il n'y a pas de consensus. Ouais, mais les groupes de montée de fracture, ou des broches, ou des trucs de fracture. Voilà. Non, non, non. Il y a une fracture qu'on doit analyser. Si elle n'est pas déplacée ou peu déplacée à l'extra-articulaire, on va faire un traitement par des broches. Plus elle est complexe, elle est déplacée, on peut aller vers la broche et vers la plaque. Et la plaque, son avantage, son inconvénient. Ou bien, si elle est complexe, on va faire des fixateurs. Ou bien, on peut marier tout. C'est-à-dire, on peut faire un fixateur plus plaque, plus broche, plus plaque, ou bien plaque plus broche. Donc, on va jouer et on a des éléments biologiques qui sont là pour stabiliser. Il y a perte osseuse, on met de la greffe. On peut mettre, il y a même aussi de la greffe de, parce que vous créez un hill, donc il y a aussi de la greffe de commerce maintenant. C'est de l'os qui se vend, d'accord. Ou bien, il y a aussi un substitut qui est très important maintenant, qui stabilise et qu'on commence maintenant à échauffer les découvertes en fonction de prendre, parce que le ciment, l'utilisait avant dans les prothèses. D'accord. Pour essayer de reconstruire l'articulation pour asseoir la prothèse. Et puis, on a avancé. On a dit, bon, comme c'est un moyen qui n'est pas biologique comme l'os, mais il est mécanique. C'est dur qu'il n'y ait pas si même. Et ça tient. On retrouve dans les fractures. C'est-à-dire, on compte dans les tumeurs. Et un Français, un Marseillais, à un moment donné, il rentre sur un malade, trac, trac, il n'a plus rien fait. Il a pris 7 heures ou 8 heures. Il a pris du ciment qui était à côté de lui, il a stabilisé avec du ciment, et j'ai le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais lui faire. 6 semaines, on va y réfléchir. À 6 semaines, il ouvre le malade, il trouve le ciment avec une membrane tout autour. Cette membrane vascularisée, truc. Il a été intelligent. Et parce qu'il est intelligent, parce qu'il fait barbeau à Constantin. Il a ouvert la membrane, il l'a respecté. Elle était en continuité avec l'os, il a tiré tout le ciment. Il a pris un peu de spongieux, c'est juste un deux. Au bout de 4 semaines, c'est une flambée. Et maintenant, il a failli avoir le prix Nobel, il a été deuxième. Maintenant, ce qu'on appelle la technique de la membrane induite. Qu'on la tête dans les tumeurs, dans les fractures complexes, dans les pseudo d'arthrose, il nous a résolu un problème. Pour te dire, voilà, les trucs, eh bien, le ciment était un des éléments qu'on peut l'utiliser comme ça, parce qu'il a, ce pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'expliquer, ils sont en train de rechercher comment se forme cette membrane et quel est son pouvoir, elle est vascularisée. C'est ce qu'on appelle la technique de la membrane vascularisée, de la membrane induite. Le nom. Alors, donc vous voyez, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire on a des plages, on a des avions, on a des blindés, on utilise. J'ai un agir ascré, c'est-à-dire une fracture peu ou pas déplacée, on va mettre que des broches. J'ai un 4 ou 5 instruments, on va vous utiliser avec une plaque. J'ai un fumier, on dirait qu'un fixateur plus broche, plus ciment, et puis c'est une bonne base. Qui me dira? Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et on y va dans le traitement. Donc il y a le traitement chirurgical et il y a le traitement orthopédique. Bon, orthopédique, clair, net, précis, fracture non déplacée. Pas de commission, pas de déplacement, on met. On met un plâtre brachio, antébrachio palmaire. C'est-à-dire palmaire, pour ne pas avoir une autre complication, il faut laisser les métacarpo-pharyngiens libres. Sinon, on va avoir une rêveur comme ça, on va faire assez libre. Alors, quand on solidine un hadi, on crée un hadi aïb. Voilà. Est-ce que vous avez compris? On vous détend un petit peu. Kéma, tu as la pneumo. Il y a un tuberculose miliaire, dénia, atteinte osseuse, il y a un BK. Au bout de 6 mois ou 9 mois, il est négatif. من بعد يخلص المرة دي ليكم سانسيفوز يقولوا روح شوف الأورتوبيديس وزاوي كومبري خلاص هكذا كنا يفو با كونفي ان تريتمون بور افوار كوم يفو ريسبكتي اي دوزيام يفو ريسبكتي يفو ريسبكتي لي بوزيسيون فونكسيونيل بوركوا باسكو كونت اون ا دي ريغور سي ديفيسيل ا تريتي au moins qu'il soit dans des positions خلاص dans une position fonctionnelle comme ça on peut se laver on peut se faire quelques gestes. Le traitement chirurgical, vous voyez l'arsenal qu'on a. Ah, bon arsenal, les broches derrière, les plaques derrière, et ainsi de suite, et on va voir comment on va les utiliser. Alors, je ne reviens pas dans le traitement orthopédique. Dans le traitement orthopédique, votre surveillance, elle doit être régulière. C'est-à-dire, s'il y a une fracture qui est déplacée, qu'on a réduit son déplacement, il faut mettre votre plaque et surveiller. 3, 5, 15, 21. Fermez-la. C'est-à-dire le temps qu'il y aura un cas mou pour que ça se déplace. Sinon, bien sûr, en dehors de la surveillance du syndrome des loges, syndrome des loges, normalement, il ne devrait pas y avoir. On est médecin, c'est médico-légal. Le syndrome des loges, pour moi, elle est une faute médicale. Oui, c'est à nous. Oui, c'est une faute médicale. En français, c'est une faute médicale. Alors, deux mots. Alors, pour le traitement chirurgical, c'est surtout l'embrochage. C'est surtout l'embrochage. Et parmi les embrochages, il y a l'embrochage styloïdien, il y a les broches styloïdiennes, donc il ne tient pas bien l'extrémité inférieure, il ne bloque pas bien, et ça nécessite un plat un peu longueur. C'est-à-dire, le traitement avec, avec des broches unipolaires n'enlève pas toutes les complications d'endodystrophie et de dérègleur du plat. Donc KPNJ a été un peu intelligent de créer son embrochage qu'on appelle un embrochage dynamique. Alors, l'embrochage dynamique, il est conçu. Et M. Capengi l'a conçu que pour les fractures extra-articulaires. Bien sûr, on l'a élargi actuellement aux fractures articulaires, mais à condition, je vais parler. Alors, l'embrochage de Capengi, c'était un embrochage intrafocal. C'est un embrochage dynamique. Qui dit dynamique, ça veut dire on met des broches, et on demande au malade de mobiliser, c'est-à-dire éviter les raideurs. Comment on met les broches? Alors, ça c'est ce qu'on appelle le brochage unipolaire styloïdien, même une broche, deux broches, trois broches, ça n'évite pas le plan. Maintenant, on l'a gardé. Maintenant, on l'a gardé pour d'autres raisons, parce qu'on a amélioré, parce qu'il y a des gens qui sont un peu intelligents, qui améliorent. C'est le Carpengi. Le Carpengi, Alors, le Carpengi, deux mots. Il y a une translation, il y a une bascule. Alors, on met une broche dans la translation, ici, de face, ici, externe, la première. Et on incline de 45 degrés, on la fiche dans la corticale interne. Et pour ça, elle va faire un butoir. Et en postérieur, on met une broche dans le foyer. Et on incline de 45 degrés, on la glisse et on demande au malade. Bon, il y a deux broches, maintenant on met trois broches par sécurité. Et on demande au malade et les broches vont essayer de bloquer la translation et la bascule. Et comme ça, ça consolide. Maintenant, on a amélioré encore le brochage de Capengi en ajoutant à ces deux broches une broche styloïdienne. Et on appelle ce qu'on appelle un brochage multiple. Voilà. Mais dans notre fracture complexe, on peut mettre des broches. Vous voyez, donc, quand il y a une radio cubitale, ils ont mis une broche radio-ulnaire, quand elle est luxée, pour qu'elle tient, pour qu'elle permette une stabilisation de la capture et de l'infolombe. C'est temporaire, attention, pas plus de 40 secondes. On peut, dans les fractures à déplacement antérieur, c'est l'indication idéale, c'est la plaque. Pourquoi? Parce que la plaque, on doit la mettre en antérieur, parce que l'anatomiquement postérieur, ça ne s'adapte pas. Et les complications après traitement, on les a parlé, et je vous remercie. Je vous remercie. Ouais.